À l'occasion des 23 ans du décès du président Kim Il-sung, la maison d'édition Al-Jazair Tahrirat d'Algérie a fait paraître en brochure l'œuvre classique du dirigeant suprême Kim Jong-un, le grand président Kim Il-sung est l'éternel leader de notre parti et de notre peuple. Le service de parution a eu lieu à la maison d'édition.